solitude, mais ces derniers mois, j'ai flanché loin de toi, loin de moi, sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait. Et c'est arrivé sans le voir venir. Notoriété oblige, j'y prends bien du plaisir, même si j'y perds ma liberté. Vouloir trop réussir, la pression du succès, des gens, les autres, nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Perdu, tous ces gens m'avaient prévenu, mon destin on l'a voulu. Perdu, sans s'entendre sur notre but, on s'ennuie fort, on se tue. Perdu, perdu, perdu, tous ces gens m'avaient prévenu, on se déchire, on se C'était Perdu de Angèle. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Et pour la revue d'actu de la semaine, autour de la table, Mathieu Novak de Sciences et Avenir et Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. L'eau de ces pyramides, 20 siècles vous contemple. Je me demande si on peut visiter. Mais si. Je suis guide et je peux faire visiter les pyramides aux nobles touristes étrangers. Eh bien, nous acceptons avec plaisir. Suivez le guide. Notre guide à nous est plus rassurant, c'est Mathieu Novak. Vous nous donnez des nouvelles de la grande pyramide sur le plateau de Gizeh en Égypte. Des nouveaux résultats laissent entrevoir qu'elle est loin d'avoir livré tous ses secrets, Mathieu. Eh oui, Daniel, parce que figurez-vous que là, en 2019, on est déjà allé plusieurs fois sur la Lune, on a fait sortir deux appareils du système solaire, on a envoyé des robots qui parcourent Mars, mais on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il y a dans la pyramide de Khéops. Alors pour un petit rappel, c'est la grande pyramide, elle fait en gros 4500 ans, c'est la seule des sept merveilles du monde à avoir survécu. Ça a été le plus haut monument bâti par un humain jusqu'au XIVe siècle. Mais ce n'est qu'en 2017 que des chercheurs égyptiens, japonais et français ont annoncé dans la revue Nature l'existence d'une grande cavité jusque-là inconnue à 60-70 mètres de hauteur. Ils disaient qu'elle faisait à peu près 30 mètres. On disait à cette époque que c'était la plus grande découverte depuis le Moyen-Âge sur les pyramides. Et aujourd'hui, cette cavité a été réévaluée à 40 mètres. Alors comment les chercheurs ont-ils fait pour découvrir cette cavité, parce qu'elle est complètement inaccessible. Hein. On ne peut pas pénétrer ni même de façon indirecte dans cette cavité. Non, il a fallu ruser. Alors, la technique, c'est un peu comme vous allez à l'hôpital pour passer une radio. On envoie des rayons X et ils vont taper différemment sur les os ou sur les parties molles et du coup, on va voir où est le squelette. Là, ici, on n'en voit rien, mais on profite d'un rayonnement naturel qui arrive tout le temps sur Terre. Ce rayonnement, ça s'appelle des muons. Alors, c'est des petites particules et sachez qu'il y en a 10 000 qui tombent chaque minute sur chaque mètre carré de la Terre. Et un peu comme les rayons X, ils permettent de détecter des zones denses et des zones vides. Donc c'était tout le projet de la mission Scan Pyramides, de récupérer ces muons à proximité ou dans la pyramide pour voir ce qu'ils avaient traversé. Dès les premiers jours, dès les premiers résultats, ils ont découvert deux vides dans la pyramide. Alors d'abord, une cavité de 9 mètres carrés au-dessus de l'entrée nord-est de la pyramide, et aussi un corridor de 5 mètres derrière les chevrons de la face nord. Et tout ça, c'était que le début, parce qu'en 2017, comme on disait, donc ils ont découvert une grande cavité. Il n'y avait qu'une chance sur 35 millions pour que ce soit dû au hasard, donc on était sûr de l'avoir trouvé. Et donc depuis deux ans, la mission s'est poursuivie. Ils ont mis les appareils qui servent à récupérer les muons, donc c'est des plaques, un peu comme des plaques photo ou des scintillateurs ou des télescopes à gaz un peu partout dans la galerie. Et là, ils ont confirmé, un, que ce trou existe, 2, qu'il n'y a pas d'autre cavité entre la chambre du roi et le sommet de la pyramide, et 3, que c'est un seul bout d'un seul tenant qui fait 40 mètres. Donc s'il y a quelque chose à trouver, c'est bien là qu'il faut le trouver. Donc cette cavité est plus longue que prévu. A-t-on une idée de ce qu'il peut y avoir dedans ? Eh bien, on est en plein inconnu. C'est une situation qui est totalement inédite. On peut tout imaginer et on peut espérer aussi des choses extraordinaires. Alors c'est marrant de regarder le retournement d'un des principaux observateurs. Il s'appelle Zahi Hawass. C'est un égyptologue, ancien ministre des Antiquités égyptiennes. Et c'est un personnage très influent. Au début, il était sceptique. Et il disait que bon, il y croyait pas trop. Et maintenant, il dit que la pyramide de Khéops peut peut-être effectivement contenir encore aujourd'hui le corps du pharaon qu'on n'aurait pas encore retrouvé. Donc les travaux vont continuer. On peut se livrer à quelques hypothèses. Bon, on est sûr que c'est pas une erreur architecturale. C'est pareil, mais il est tellement bien bâti que ça peut pas être une erreur. C'est pas un éboulement non plus, parce que ça se verrait dans les résultats. On aurait des zones moins denses. Là, on a vraiment un trou. Donc la question qu'il faut résoudre maintenant, c'est à laquelle il faut répondre, c'est l'inclinaison de ce trou. Est-ce qu'il est penché, incliné, comme la grande galerie? Dans ce cas-là, c'est plutôt un corridor, soit à portée symbolique du voyage du souverain qui doit renaître avec le soleil, soit juste, ça servait à mettre des contrepoids pour monter des blocs de granit, soit il est horizontal, et dans ce cas-là, c'est une pièce avec peut-être du mobilier et peut-être une momie. Ouais. On ira un jour, on pourra pénétrer un jour dans cette pyramide ou alors, pas ? Alors bon, ça va être difficile de trouver un trou parce que s'il y a des corridors, on aura du mal à les trouver. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est de développer des petits robots qui pourraient peut-être s'infiltrer dans ces petits couloirs. Bon, ouais, affaire à suivre. Espace, explorer de nouveaux mondes étranges et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Voilà qui me rappelle quelque chose. Philippe Hénarejos, parfois c'est l'espace qui vient à nous avec son lot de découvertes. En l'occurrence, les chercheurs ont découvert des sucres dans des météorites. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, alors dit comme ça, ça peut faire sourire en effet. Mais des scientifiques ont trouvé du sucre dans des météorites qui sont tombées sur Terre. Donc, et ils ont publié leurs résultats le 18 novembre dernier dans la revue américaine PNAS, qui est la revue de l'Académie des sciences des États-Unis. En fait, c'est très sérieux et c'est même très important car la découverte de ces molécules complexes dans des objets célestes tombés sur Terre, voici plusieurs décennies, est un indice capital dans l'enquête sur les origines de la vie. Ces sucres, plus précisément des riboses, sont en effet les briques d'une molécule plus complexe et bien connue, l'acide ribonucléique ou ARN. Or, celui-ci joue un rôle capital dans la constitution et la réplication ou la survie d'une autre molécule encore plus complexe et encore plus connue, l'acide désoxyribonucléique, l'ADN. Et l'ADN, c'est tout simplement ce qui contient et transmet les informations nécessaires au vivant. Alors, en quoi est-ce important de trouver ces sucres ? Eh bien, parce que ces sucres, que l'on sait d'origine extraterrestre, ont peut-être conduit à l'apparition de la vie sur notre planète. Alors justement, est-on sûr qu'ils proviennent de ces météorites et non pas d'une contamination terrestre ? Une fois que la météorite est arrivée sur Terre, les sucres auraient pu s'installer dessus. Oui, en effet, puisqu'elles sont restées longtemps sur Terre avant d'être découvertes, mais les chercheurs sont sûrs que ce n'est pas le cas. Ils ont soigneusement analysé leur signature chimique, ce qu'on appelle le rapport isotopique, et celle-ci, cette signature chimique, est clairement différente de celle des sucres produits sur Terre. Cela signifie donc que ces ingrédients nécessaires à l'apparition de la vie, au moins pour une partie d'entre eux, ont pu venir de l'espace, car rappelons que les météorites en question ont été datées et elles ont l'âge des planètes, c'est-à-dire environ 4,5 milliards d'années. Ce qui veut dire que ces sucres ont été produits à cette époque-là. Oui, ils sont issus de la chimie qui s'est déroulée dans la nébuleuse qui entourait le Soleil au moment de la formation des planètes. Les rayons ultraviolets du Soleil ont joué un rôle et qui a permis l'apparition de ces molécules et probablement d'autres encore. Le plus étonnant dans tout cela, c'est qu'une équipe française du laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires de Marseille avait, il y a quelques années, réussi à fabriquer ces sucres en recréant les conditions présentes à la naissance du système solaire. C'était un laboratoire. Cette équipe, et notamment l'astrochimiste Louis Dandecourt, avait prédit qu'on devait retrouver des sucres dans les météorites. Mais depuis toutes ces décennies, on n'en avait pas eu la trace. Non, car en fait, les sucres, d'abord, ils sont très minoritaires, donc faut bien chercher. Et qu'ensuite, ils sont très fragiles. Et pour les trouver, il faut chauffer le matériau, en gros, pour faire simple, ce qui les détruit. En gros, on fait du caramel, si on chauffe trop vite. Et ces caramels avaient été vus en 2001 dans les météorites, et ils pouvaient s'interpréter, malheureusement, autrement que comme un résidu de sucre. Donc, on n'avait pas la preuve. Il a fallu de nouvelles méthodes de recherche avec globalement, un chauffage plus progressif pour qu'une équipe parvienne enfin à les découvrir. Et c'est bon, on en est sûr. Et vous récapitulez tout ça dans un article plus complet sur le site de Ciel et Espace. En bref, dans le reste de l'actualité, Mathieu Novak, en Sibérie, la grotte de Denisova livre un nouveau trésor. Et oui Daniel, on a découvert une figurine de lion de 45 000 ans, ce qui pourrait peut-être en faire la figurine la plus ancienne jamais découverte. On l'a découvert dans un endroit très intéressant, la grotte de Denisova. Elle est célèbre parce que c'est ici qu'en 2010, on a découvert des phalanges d'une nouvelle espèce qu'on a appelée l'homme de Denisova. Et cette grotte, elle a été occupée aussi bien par des Néandertals que des Denisoviens et que des Sapiens. Donc on ne sait pas qui a fait cette première œuvre. Bon, pour le moment, elle est très incomplète, hein. On n'a pas de tête, on a juste le corps et le départ d'une patte arrière. Ça fait à peine 4,2 cm de longueur. Il faut préciser sa date, mais on a peut-être trouvé une nouvelle preuve et la plus ancienne de la fascination pour les félins. Et on peut retrouver sur le site de Science et Avenir une photo de cette sculpture formidable. Philippe Hénarejos, un trou noir de 70 fois la masse du Soleil a été découvert dans la Voie lactée. Ah oui, alors vous savez, les trous noirs, il y en a partout dans l'univers, on en parle beaucoup. Il y en a de plus gros, il y en a de moins gros. Mais en fait, il faut s'attarder sur celui-là, parce que c'est vraiment sa masse qui pose problème. 70 fois, en gros, la masse du Soleil. A priori, on ne sait pas comment des trous noirs de ce calibre, qui est certes très intermédiaire, peuvent être formés. En fait, au-delà de 20 à 30 masses solaires, les trous noirs qu'on dit d'origine stellaire, ben il n'y en a pas, on ne sait pas les faire. Et sauf que, en même temps, c'est précisément la masse des trous noirs qui se sont formés par collision de deux trous noirs stellaires, exactement ce qui avait été observé par le passage des ondes gravitationnelles, vous savez, par LIGO et Virgo, ces deux observatoires d'ondes gravitationnelles en 2015. Donc, c'est bien la première fois que l'on découvre l'un de ces trous noirs autrement que par le passage d'une onde gravitationnelle. Alors, il est à peu près à 14 000 années-lumière. Il a été découvert grâce à des télescopes de 10 mètres et le télescope chinois LAMOST. Alors, c'est un autre moyen, c'est toujours important en science d'avoir un autre moyen d'observation qui prouve l'existence de ces trous noirs de 70-80 masses solaires, mais le mystère de sa formation demeure car on se demande s'il est vraiment né de la collision de deux trous noirs plus petits. Il y a vraiment encore une enquête à mener sur cet objet unique pour l'instant. À la une de Ciel et Espace, Philippe Hénarejos. Eh bien, c'est encore des nouveautés. C'est des nouveautés très anciennes puisque c'est les premières galaxies qu'on observe peu de temps après le Big Bang. Et Mathieu Novak, pour Science et Avenir, c'était notre thème. Hein, un grand dossier sur les maths qui explique le monde, mais on s'intéresse aussi aux bactéries buccales, pourquoi l'hygiène dentaire est importante, ouais. Pas seulement pour les dents, mais aussi parce que il y a des liens avec des maladies comme Alzheimer, les infarctus. Ouais, les maths, décidément, sont à la mode en ce moment. Merci à tous les deux et à bientôt. Crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. Can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. Drops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. C'était Just the Two of Us, Bill Withers sur France Inter. Et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. En raison d'appels à la grève émanant de plusieurs organisations syndicales représentatives de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de notre programme habituel. Pas de deuxième heure, donc aujourd'hui, nous vous prions de nous en excuser.